La mort comme metteur en scène, éclairagiste du pleureur. Quand mon père se noya, un ami d'alors, très cher, m'écrivit. À toi qui pleures et dois aimer maintenant l'absence d'un père. La Camarde ne m'a pas épargné, mais je crois que ce moment crucial est entré, si je puis dire, dans ma vie très, trop tôt, moins à l'occasion de la mort d'un oiseau aimé, qu'à la prise de conscience, en fait une intervention chirurgicale, de la pourriture du corps. Et depuis, je peux le jurer, je traîne cette odeur de charogne, elle me dégoûte, elle m'est nécessaire, vitale. Yeah. Le spectacle et le repli, oui, c'est bien l'articulation principale de mon existence. Mes souvenirs les plus lointains recomposent ce paradoxe. Et il est vrai que le rideau est tombé très tôt, 8-10 ans. Ensuite, je savais qu'il ne se relèverait que pour mieux se refermer. J'ai pu parfois, au mieux, vivre l'acte et l'entracte. Comment ? J'ai accepté, douloureusement souvent, ma différence, et dans le drame des solitudes, dans l'effet de la représentation, je l'ai vécu, géré jusqu'au bout. En bref, je n'ai jamais voulu donner ma place. Oh girl. Turn me on. Yeah. You know how touch me soft. Oh girl. Turn me on. Turn me on. Don't touch me soft. Oh girl. Yeah. Oh girl. Don't turn me on. Don't turn me on. Thank you. En ce qui me concerne, il m'a toujours semblé qu'à l'instant même, simultanément, de la résurrection heureuse du passé, j'avais pleinement conscience du temps perdu et que la douleur de cette perte ajoutait à la félicité. I just, but for you, with the green hat, you thought. Il me semble que mon travail sur Izoard ressemble trait pour trait à ma plongée dans la peinture de l'Horace. Immersion. Car je ne sais pas d'abord pourquoi une œuvre me touche. Je sais seulement que je vais le savoir. Il suffira d'y penser. Ensuite, et c'est une troisième phase, j'oserai voir, le croire, ce que personne n'a pu voir. Je n'écris pas sur la danse, c'est trop tôt. J'attends qu'elle s'éloigne, que la mémoire s'en empare. Elle transparaît ça et là. Je retiens ce que tu m'écris de Doloroso. Évidemment, tu as saisi l'importance de la part critique du poème, la difficulté étant de ne pas insister, de se tenir à distance, d'ironiser. Cemetery, we dropped down. The engine was a dying thing. She waited in a faded blue Toyota, reading something that she hid. As I got closer, I scratched across the gravel, my face unsure. The engine started, the passenger door. Kind of silence, I kept thinking of something to do, explain. My lips burned in the wind, but I veered back from the drink. The wrong word could bring it all crashing down. The day after dinner, the doctor and his wife, she said, let's get the hell out of here. Go up past the head where the shack sits and burns in the sun. Try mending. Snapper. I swear that she was weeping while I cut the line. Next man to hold and try. You gotta keep the top round the air. You gotta make the ones that you want to have. Believe it, if they're really there. You gotta mend the nets. You gotta keep the top round the air. You gotta make the ones that you want to have. Believe it. It can't remain unsaid that the blood we bleed will be of the deepest red. But if we die, it can't remain unsaid that the blood we bleed must be of the deepest red. Chez moi, me semble-t-il, c'est mon souci. L'humour est plus dans l'air de la page que dans le mot. Your memory serves you well. Cet espacement, ce laps entre l'image et l'idée, entre le mot et la chose, est précisément le lieu que l'émotion poétique va pouvoir habiter. I'm gone. Let you. Standing waiting for a man to show, wide-eyed, one-eyed, fixed on the door. This waiting's killing me, it's wearing me down. Day in, day out, my feet are burning, holes in the ground. Darkness warmer than a bedroom floor. Want someone to hold me close forevermore. I'm a sleeping dog, but you can't tell when I'm on the prowl. You better run like hell, 'cause you know it makes sense. Don't even think about it. Life and death are just things that you do when you're bored. Well, say fear's a man's best friend. Say fear's a man's best friend. Say fear's a man's best friend. Yeah. In the ground, go and take my helping hand. I'll show you around, 'cause you know it makes sense. Don't even think about it. Life and death are just things that you do when you're bored. Well, say fear's a man's best friend. Say fear's a man's best friend. Say fear's a man's best friend. Yeah, it up and brings you down. Thank you very much. A man was sleeping under a tree. He wrote to me from Cordova. After the theater, we went to his house. He very generous Cordovan. He waited at the door, but he didn't come. According to his father, he is very ill. Without pain, the suit suitcase under my arm. I won't see you until Sunday. I come as soon as I can. I'll meet you alone in the shoe shop near the bakery. By the two-story house, very pretty, like a villa. The lift stops between two floors. We start to walk towards the station. I walk towards the bus. They'll have to wait at the station. The parcel on the top deck. The station. I walk towards the bus. You walk towards the station. I walk towards the bus. You walk towards the station. I walk towards the bus. Thank you. She makes me so unsure of myself, standing there but never ever talking sense. Just a visitor you see, so much wanting to be seen. Coming to the door, make you carry us away. It's a customary thing to say or do to a disappointed crowd and in his grief. And on Fridays she'll be there, and on Mondays not at all. Gradually appearing from the clock across the hall. You're a ghost, la la la la la la. You're a ghost, la la la la la la la. I'm the church and I've come. Singing tediously. You're a ghost, la la la la la la. You're a ghost, la la la la la la. I'm the bishop and I've come to claim you with my iron drum, la la la la la la la la la la. Efficiency, they say. Get to know the date and tell the time of day. As the crowds begin complaining, how the bourgeois is raining down on darkened meetings on the Champs-Élysées. You're a toute l'éloquence humaine dans toutes les assemblées de tous les peuples et de tous les temps peut se résumer en ceci, la querelle du droit contre la loi. Cette querelle, et c'est là tout le phénomène du progrès, tend de plus en plus à décroître. Le jour où elle cessera, la civilisation touchera à son apogée, la jonction sera faite entre ce qui doit être et ce qui est, la tribune politique se transformera en tribune scientifique. Fin des surprises, fin des calamités et des catastrophes. On aura doublé le cap des tempêtes. Il n'y aura pour ainsi dire plus d'événements. La société se développera majestueusement selon la nature. La quantité d'éternité possible à la Terre se mêlera aux faits humains et les apaisera. Thank you. Plus de disputes, plus de fiction, plus de parasitisme. Ce sera le règne paisible de l'incontestable. On ne fera plus les lois, on les constatera. Les lois seront des axiomes, on ne met pas aux voix 2 et 2 font 4. Le binôme de Newton ne dépend pas d'une majorité. Il y a une géométrie sociale, on sera gouverné par l'évidence. Le code sera honnête, direct et clair. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la vertu la droiture. Cette rigidité fait partie de la liberté. Elle n'exclut en rien l'inspiration, les souffles et les rayons sont rectilignes. L'humanité a deux pôles, le vrai et le beau. Elle sera régie dans l'un par l'exact, dans l'autre par l'idéal. Grâce à l'instruction substituée à la guerre, le suffrage universel arrivera à ce degré de discernement qu'il saura choisir les esprits. On aura pour parlement le concile permanent des intelligences, l'institut sera le Sénat. La Convention, en créant l'Institut, avait la vision confuse mais profonde de l'avenir. Thank you. Cette société de l'avenir sera superbe et tranquille. Aux batailles succéderont les découvertes. Les peuples ne conquerront plus, ils grandiront et s'éclaireront. On ne sera plus des guerriers, on sera des travailleurs. On trouvera, on construira, on inventera. Exterminer ne sera plus une gloire. Ce sera le remplacement des tueurs par les créateurs. La civilisation qui était toute d'action sera toute de pensée. La vie publique se composera de l'étude du vrai et de la production du beau. Les chefs-d'œuvre seront les incidents. On sera plus ému d'une Iliade que d'un Austerlitz. Les frontières s'effaceront sous la lumière des esprits. La Grèce était très petite, notre presqu'île du Finistère, superposée à la Grèce, la couvrirait. La Grèce était immense pourtant, immense par Homère, par Esquille, par Phidias et par Socrate. Ces quatre hommes sont quatre mondes. La Grèce les eut, de là sa grandeur. L'envergure d'un peuple se mesure à son rayonnement. La Sibérie, cette géante, est une naine. La colossale Afrique existe à peine. Une ville, Rome, a été l'égale de l'univers qui lui parlait à toute la terre. Urbi et Orbi. All I can see is brave war.